Eh bien, si je suis là, c'est pour vous raconter l'étrange histoire qui m'est arrivée. J'étais dans le métro à 6h du soir et j'essayais en vain de m'accrocher à la barre. Des gens remontaient, d'autres descendaient et à chaque station ils se bousculaient. On était serrés comme des légumes en conserve, les uns dans les autres et je touchais plus par terre. Par comble de malchance, avant de prendre le métro, j'avais acheté des œufs pour mettre dans le frigo. Ils étaient frais du jour au fond de ma musette, mais arrivé chez moi, je n'avais plus qu'une omelette. J'avais aussi acheté du bœuf et des carottes, une demi-litre de beurre et quelques échalotes. Quand j'ai voulu les cuire, j'ai vu que c'était déjà fait. Je n'avais plus qu'à servir avec du Beaujolais. Trois soirs j'ai raté une correspondance. J'ai été entraîné à cause de l'affluence. Par un petit portillon j'ai voulu m'échapper, mais juste il se fermait, j'ai eu la tête coincée. Ma femme m'a dit comme ça on dirait t'as maigri. Je lui ai répondu que j'en étais pas surpris, car si je n'avais pas perdu quelques kilos, je crois que je n'aurais jamais pu rentrer dans le métro. Bien les amis, si vous aimez l'aventure, descendez dans le métro, montez dans une voiture. Vous verrez que ça vaut bien tous les grands safaris. Et pour les émotions, là vous serez servi. Pour un ticket de métro, vous serez bien au chaud. Par-dessus les épaules, vous lirez les journaux. Vous goûterez vraiment cette joie quotidienne de ce qu'on appelle ici la vraie vie parisienne. La vraie vie parisienne. La vraie vie parisienne. La vraie vie parisienne, la vraie vie parisienne.